longtemps pleuré. C'est pas pour rien, camarade. M'appelait ainsi tout. Il refusait moi comme ça. C'est levé matin bonheur. Oui, il demandait pardon. We'll be right back.